Pour tous vos problèmes électriques, que ce soit industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel, les Électriciens du Nord, un incontournable en affaires depuis 1977. Notre équipe possède le savoir et l'expérience pour répondre à tout besoin. Les Électriciens du Nord, 1025 Première Rue à l'Ascension, au 418-347-5103 ou visitez ledn.com. Monsieur Ghislain Tremblay et tout le personnel des Électriciens du Nord invitent toute la population à la classique hivernale de Saint-Ludger-de-Milo et félicitent les organisateurs. On va parler de hockey avec notre ami Marc Fortier. On devait y parler hier, mais hier, c'était la nouvelle, c'était Tigui Aimon. Et là, on va lui parler aujourd'hui. Salut Marc. Salut Danny. Marc, évidemment, d'abord, écoute, t'as connu, il y a André Boudria aussi qui est décédé hier, puis t'as quand même des anecdotes, t'as bien connu André Boudria, sauf que Tigui Aimon aussi, écoute, c'était un personnage, là. Tout le monde connaissait Tigui Aimon au Québec. Là. Ben, oui, c'est sûr et certain, on le connaissait parce que il y avait toujours des histoires, puis aussi, c'est de la faire ces choses, et puis c'était un peu une bible du sport. Alors, c'était toujours un rafraîchissant d'écouter Tigui Aimon conter ses histoires. Oui, effectivement. Puis André Boudria, tu l'as connu, tu l'as assez bien connu, hein? Oui, ben il était à l'époque avec le Canadien. Lorsque moi, j'ai signé avec les Nordiques, j'étais en négociation également avec le Canadien. J'avais pris la décision d'aller avec les Nordiques, mais dans le processus, avant là, que je signe avec les Nordiques, là, j'avais tout fait mes négociations et les pourparlers avec M. Boudria, avec un monsieur que j'avais beaucoup, beaucoup de respect. C'était un gars, je pense que c'était un homme... Tu sais, moi, je me rappelle, Serge Savard, quoi avec Marc Bergevin, moi, je trouve que c'est incroyable ce qu'il a fait cette année comme travail. Autant il était poche l'autre année, autant il est bon, il était bon l'autre année. C'est incroyable comment que ça revire d'abord assez vite. Mais Serge Savard, moi, j'estime, depuis que je suis là, hockey, là, que c'était le plus grand directeur général de l'histoire du Canadien, mettons de l'ère moderne. On parle pas des années de Sam Pollock, là, mais mettons des années 80 en montant. Là, Serge Savard, c'était un monsieur, mais il était bien épaulé, puis André Boudria en était un. Là. Exactement. Si tu parles aujourd'hui à Serge Savard, il va sûrement te dire que André Boudria a été un morceau important là, dans le puzzle du Canadien dans les années 80-90. Alors, c'est sûr et certain que c'est une grande perte pour l'organisation et puis c'était un grand homme. OK. Marc, on va parler du Canadien, évidemment. C'est exceptionnel ce qui se passe avec les Canadiens. Écoute, mais ce soir, c'est une séquence très, très importante qui débute avec Winnipeg, Toronto, Nashville et Tampa Bay. Quatre matchs vraiment, dont deux sur la route. T'sais, c'est une séquence extrêmement difficile. Ben oui, c'est difficile, mais t'sais, c'est ça quand tu veux participer aux séries, quand tu veux être dans les meilleurs, tu te dois de gagner des gros matchs comme ceux-là. C'est sûr que là, c'est difficile parce que c'est back-to-back. Là. C'est quand même quatre matchs de suite contre quatre des meilleures équipes de la Ligue. Alors, c'est sûr que c'est un test qui sera pas facile pour le Canadien. Mais tu sais, Danny, le Canadien, on dit, ils ont une saison exceptionnelle. C'est vrai, oui et non, parce que si, admettons, il arrive, là, qu'est-ce qu'on va dire si à la fin de la saison, là, il continue à maintenir le cap, puis qu'il arrive à la fin, puis qu'il manque les séries par deux points? On va dire. On aurait dû finir dans la cage, puis on aura d'autres joueurs. Oui! Oui, fait que la saison exceptionnelle, on va se garder une petite gêne, là. Elle va être exceptionnelle, là, quand on aura atteint les séries, puis quand on se sera bien positionné, et ainsi de suite. Parce que là, C'est pas fait encore, là. Y a des équipes qui courent après le Canadien. Alors, t'es prêt d'être dans les meilleures équipes de la Ligue, puis t'es prêt d'être hors des séries, là. Alors, la ligne est mince. Puis si le Canadien perd leurs quatre prochains matchs et que les équipes qui courent après les remportent, là, on vient de changer ça de 6 à 8 points, là. Là, le classement vient de changer. Alors, le Canadien pourrait facilement, la semaine prochaine, être quasiment hors des séries s'ils gagnent pas leur match. Alors, avant de parler d'une saison exceptionnelle, on va attendre le résultat final et ensuite de ça, on pourrait analyser mieux la situation. Mais by the way, Marc, il n'y a pas personne qui aurait dit ça. Écoute, moi je trouve que Bergevin il a fait un travail colossal. Rappelle-toi l'année passée à pareille date. Puis ça, on le dit souvent, là. On savait même pas. Laval, il n'y avait pas de relève. On n'avait pas de joueur de centre. C'était tout était noir. Puis là, regarde ça, là, un an plus tard, les Canadiens font une des bonnes relèves du circuit. Au centre, il y a vraiment. Avec Jesperi Kotkaniemi qui connaît une saison exceptionnelle, je vais dire en effet, c'est beaucoup plus encourageant par les dates que l'année passée, là, peu importe ce qui arrive. Là. Exact. C'est pas la saison qui est exceptionnelle, Danny. C'est le résultat du 5 février 2018 au 5 février 2019. C'est là que c'est exceptionnel, le pas que les Canadiens ont fait depuis ce temps-là. Puis quand c'était le temps de critiquer Marc Bergevin sur ses décisions, sur les mouvements personnels qu'il a fait, toutes ces affaires-là, on s'est pas gêné pour le critiquer. Mais là, il faut quand même donner à César ce qui appartient à César. Regardons ce que Marc a accompli au cours de la dernière année, autant à Montréal qu'à Laval, avec le changement de personnel et tout, avec les choix qu'ils ont fait avec Kotkaniemi et tout ça, avec Domi qui est rentré. Alors, si tu regardes l'ensemble de l'œuvre jusqu'ici, on peut dire qu'en d'une année, le Canadien a fait un grand pas. Et ça, c'est ce qui est exceptionnel. Mais je reviens à la même théorie que tantôt. Si jusqu'à la fin de la saison, on se met à mal jouer puis on manque les séries, ben on parlera pas de la même façon. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais parce que je pense qu'on est quand même en bonne position, là, peu importe ce qu'il y a. Exact. C'est quand même quatre matchs extrêmement difficiles. À y espérer qu'Otkanemi, en parlant, là, c'est incroyable, hein? C'est le gros joueur de centre. Écoute, on dit que ça faisait 20 ans qu'on cherchait ça. Mais on va dire, en effet, il se développe vraiment bien. Au fil du temps, des gens qui étaient à Montréal disaient qu'en début d'année, il n'était pas prêt à jouer. Beaucoup de monde l'a renvoyé soit à Laval ou en Europe. Puis là, plus ça va, meilleur il est. Puis les recrues en deuxième moitié de saison, on a le même cas, mais c'est pas le cas dans son cas, là. Danny, moi, je suis souvent l'avocat du diable quand je parle, OK? Ouais. Puis moi, je suis un gars, là, je suis fatiguant avec mes théories, là. Ouais. Mais ça revient à une chose, Danny, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire qu'il est sorti où, Kotkaniemi? Troisième. Il est sorti troisième. Ouais. C'est plate à dire, là, mais tabarouette, il faut que tu finisses dans les bas-fonds pendant une, deux ou trois saisons pour pouvoir te permettre d'aller chercher des gars comme ça. Tu sais, je veux dire, oui, on est tout emballé par Kotkaniemi, mais j'espère qu'il est sorti 3 overall. Mm. Tu vas me dire que oui, il y a eu des 2 et des first overall qui ont déjà mal sorti, puis tu as tout à fait raison. On a qu'à penser à Yakupov à Edmonton qui est sorti premier overall, puis c'était une catastrophe. Oui, on peut dire ça. Sauf que tes chances d'avoir un joueur d'impact, un joueur de concession, un joueur qui va te permettre de changer ton organisation, tu vas le retrouver dans les 5 premiers choix au repêchage, pas dans les 5 derniers. Alors que tu repêches 3 ou tu repêches 23, ça fait toute la différence au monde dans la sorte de joueur que tu vas avoir. Alors, les Canadiens, malheureusement, ont dû aller dans les bas fonds, mais c'est peut-être ça qui va leur permettre, dans le futur, de s'épanouir, de devenir une équipe comme les Maple Leafs de Toronto le sont présentement. Ouais. Mais pour ça, les Maple Leafs ont dû avoir leurs années noires. Et puis, ça a été le même processus pour les Blackhawks, pour les Pingouins et ainsi de suite. Alors, il n'y a pas de secret là-dedans. Ça passe par le repêchage. Et malheureusement, pour pouvoir te permettre d'avoir des Kotkaniemi, tu te dois de finir dans les profonds. Effectivement. Donc, c'est ça qui est ça. Mais il est exceptionnel, puis il fait vraiment un beau travail. Dis-moi, les Flyers de Philadelphie, est-ce qu'ils ont trouvé leur gardien de but depuis Carter Hart? C'est incroyable, là. Ben, c'est la seule affaire qu'il faut voir, et c'est que, regardons, là, il est sur une lancée, là. Ça me rappelle un peu l'année avec le Burger à Ottawa, là. Qui avait été exceptionnel quand il est arrivé avec les Sénateurs. Là, je ne me souviens même pas son prénom, mais on se souvient Burger. Par contre, lui, il est forcé d'admettre que lui, il était un haut choix repêchage, là, par contre. Là. Oui, mais attendons l'année prochaine. Attendons de voir lorsqu'il va commencer une nouvelle saison avec son équipe, voir où est-ce qu'il se situe. Là, il est dans une lune de miel. Il est arrivé quand l'équipe était quand même rodé, là, il était prêt dans le milieu de la saison, c'est pas pareil comme le début de la saison, là l'équipe était déjà chaude, là, même si elle connaissait pas de succès. C'est une équipe quand même qui a un certain talent, il amène il a comme fait un traitement choc dans une piscine qui commençait à avoir des algues. Alors lui, il est venu faire un traitement choc, mais là, on va falloir voir l'année prochaine, quand que la piscine va être propre en partant, comment qu'il va se comporter là dans ces eaux-là, là, tu sais, comme rendu, mais au moins c'est positif, là. C'est quelque chose que les Flyers vont pouvoir bâtir alentour. Et on va espérer, parce que c'est quand même une belle organisation, les Flyers, qui plafonnent à tous les années, qui semblent jamais avoir trouvé la pièce manquante. Puis on espère que ce sera cette pièce-là. Là. OK. Marc, on s'en parle bientôt. Ça fait plaisir, oui, d'aller. Collaborateur Marc Fortier. Merci, Marc.